au large du Venezuela pour piger I Like To Move It. Il faut aller dans les mers des Caraïbes et plus précisément à Trinité et Tobago. C'est là-bas que se produisait le rappeur Mark Kouachi. S'est accoquiné avec un DJ new-yorkais, Eric Morillo, qui était bien new-yorkais mais d'origine colombienne. Et c'est ce pur mélange des Caraïbes, de Colombie et de house new-yorkaise qui a produit ce hit international, ce hit radical. I Like To Move It. Move It. Et nous sommes en 1994. La nuit des temps, l'international de la danse. Vous êtes sur Duo. I came home from work in the middle of the morning, not feeling well as I should. I unlocked the door and called her name like a good man would. She was lying across my bed in the arms of another man. Hurt me so bad, I sit right down and cry. I said, Wahoo, Wahoo, Wahoo. That's the way I cried. I told her that we must part. I could see that it was breaking her up for me to know what she had done. But if I'd stayed on my job, I never would have known my woman was doing me wrong. Never would have known my woman was doing me wrong. d'environ Toronto. Main Source. Snake Eyes. La nuit des temps, Radio Dio. Say, what did Andrew say? say, well, have you read the biography? Of course he did. A shanty, shanty, shanty. First time you dance, you break boundaries between matter and spirit, self and other, individual and group. The god who dances is an immanent force. Circles going round the sun. First time we go to Berlin, we climb over walls and through cellars. Parties that would become clubs, clubs that would become Sundays. Movements that couldn't be seen with the naked eye. Something's moving out there, something's moving out there. In the better version of what was that was. The loop thing, Baradi's council future thing. So you spin, looking for a drink. Sucker going round the sun. Sucker going round the sun. Sucker going round the sun. It's like a sucker going round the sun. Yourself the full extent of your complexity, says Arthur Russell. We stood still, silent in a warehouse. Fiorucci made me hardcore, Lecky make me see. How much are they, Jar Wobble? Capital's gonna eat you up, brand yourself to eat you up. It gas you, you gas it, it gas you, you gas it, it gas you, it gas you and you gas it, it gas you and you gas it. And we're intertwined, connected, locked and tangled in sensations of here together, phase locking our eco-skeletons, spinning round and round in the brakes with Fred Moten, like circles going, like circles. Circles going round the sun like something going round the sun. Something going round the sun. Something going round the sun like something going round the sun. Something going round the sun. Something going round the sun. Something going round the sun. Something going round the sun. Round the sun. Round the sun. Après 30 ans de disparition sur les écrans radars, l'acid jazz fait son grand retour dans les clubs de Londres. L'acid jazz était le génial métissage de la soul, le jazz, le hip-hop et le disco. Et dans l'acid jazz, il y avait Galliano. Sans doute l'un des groupes les plus brillants de cette période. Et ça tombe bien, Galliano vient de publier un nouvel album qui nous transporte direct vers la stratosphère. Et c'est notre power play de la semaine. Baby, if you got a lot, don't hold on to what you got. Love to walk away sometimes. la nuit des temps, l'international de la danse. Love and happiness. c'est Louis Vega qui a composé ce Love and Happiness. Il est né dans le Bronx, il vient du jazz et c'est l'un des membres de Master at Work. Et nous sommes à New York. À New York, en 1994. Love. Love. Love and Happiness. She's in the kitchen, she's swinging her hips and dipping the chicken in flour. She got the music, it's bumping. I smell the food in the oven while I two-step in the shower. A well-balanced potato salad and hot sauce, collard greens, fried catfish, and lima beans. Ingrained in your brain without a meme, like it's a preset burning up on the screen. The operation is flagrant, so reparations we take them. And we be patiently waiting, and for cake we be scraping until it's late in the a.m. When you're sick of the mayhem, you demonstrate till they pay them. Your body swaying, you listen what I'm saying. Don't want that AK, commence the spraying. OG mind free, you cannot enslave them. And if the tables ever turn, you know nothing can save them. That sensation burning like Louisiana Cajun. The faint aroma, somebody is blazing to bring the day in. Big bro on his way in. Never forget where you started. Paper bags, see them saluting and recruiting and waving flags. Spice in the hot sauce, crispy on the chicken. The screen door slamming and the young boy cripping. Mama when she dancing, your uncle when he tripping. The spirit of Stevie Wonder when superstition was written. I'm the first bop when you walk into the party. I'm the Chris Rock when you snapping on somebody. I'm the ingenuity, the mental acuity, Duke Ellington dexterity. I'm truly a rarity. I'm the sound of Miles Davis. It's impossible to bury me. The slow pimp walk, it's impossible to hurry me. The red cup, brown liquor, spades all night. Shower cap, house slippers braised just right. Feeling when that itch in your weave is relieved. I'm your taste buds biting on the sunflower seeds. Only crossover, our supporters Kyrie. W-E-B mentality. I'm the biz going off. Diana, I'm the boss. Or you could say Ross. Pirellis with the gloss. I'm the underground Harriet, the swing low chariot. Backyard smoker, fried okra and asparagus. A look in the eyes of someone who can relate. I'm the knowing that it's love and couldn't possibly be hate. I'm the prayer of a mama, want a son to walk straight. I'm the prisoner released when he walking out the gate. I'm black, I'm black, I'm black, I'm black. C'est le sublime nouvel album de LL Cool J. Black, Code, Suite, on brasse, on mélange, on métisse, on bataille aussi. Et surtout, on danse. Peut-être l'un des plus beaux moments des Jeux Olympiques cet été, Amadou et Mariam, car c'est le Mali, c'est Bamako, la Côte d'Ivoire aussi, et puis c'est Stevie Wonder, Manu Chao, Damon Albarn, Theophilus London, Beth Orton. Alors oui, c'est incroyable comment Amadou et Mariam rassemblent avec leur musique. Et c'est aussi pour ça qu'ils font battre notre petit cœur. Comme il continue de battre en 2024, avec aussi Thomas de Pourquerie. Il y a de la ritournelle dans son Dirty, Dirty, Dirty Love. Need another brain. I need another nose. I need another pain to forget what you've done to me. I need another you. You need another you too. I need another hand to make me come when I'm killing you. I don't feel you no more. Can you suffer? I wish you all of the pain of the slaves of your dirty love. I need another hero. I need another shame. I need another fate to keep on believing me. I am another man. I'm a brand new queen. nuit des temps, Radio Duo. Face au char, le pouvoir que l'histoire. Ces grelots, ces parures qui scintillent, qui nous émoustillent. Sa fabule, ça nous dupe comme une belle jupe. Et sa crise est notre tempête. Frotter la lampe. S'échapper de l'île en fin de quatorzaine. Alors on veut quitter les lois, partir au large sans revenir roi. On veut nager comme des sirènes, s'échapper de l'île en fin de quatorzaine. Alors on rit comme des baleines, pour oublier toutes nos peines. On veut nager comme des sirènes, s'échapper de l'île en fin de quatorzaine. Alors on veut quitter les lois, partir au large sans revenir roi. Et voilà, et voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club. Une nuit des temps marquée ce soir par l'amour et la joie. Et une petite absence d'onde momentanée. mais tout passe par le web. Et avec ce soir, une série d'invités parfaitement prêts pour décliner l'amour et la joie. Le love et l'happiness. Le love et l'happiness avec Yuko Koshiro, qui est geek, mais pas trop. Real to Real, avec son radical mais tubesque I like to move it, move it. Wayne Carter pour son génial waouh, waouh, waouh. Main Source et ses yeux de serpent, des petits yeux de serpent. Les rituels du belge Nico Gomez, mais on se serait cru en Amérique latine. Le nouvel et fantastique album des Anglais Galliano, en power play cette semaine. Foncez, écoutez. Hard Drive, qui aussi poursuivait l'amour et la joie. LL Cool J, old school mais good school, avec son nouvel album que je vous recommande chaudement. Amadou et Mariam, parce que sans eux, la vie manquerait indiscutablement de cœur. Et Thomas de Pourquerie, généreux comme pas deux. Et juste avant, Saint-Art qui cherche un phare dans la nuit. En attendant le retour des ondes, on a fait du souterrain en passant par les câbles. Les câbles qui permettent à Internet de diffuser du haut en ce moment. Le temps de quelques bonus. Le temps de lever quand même le nez vers les étoiles, vers le ciel de Saint-Étienne. Des bonus secrets pendant quelques minutes de la nuit des temps. Et le son de Radio Duo continue. Buena notte. Salut. Go!